Pages arrachées à Sylvain Tesson. Essais et nouvelles. Feuilleton en 5 épisodes. Extrait choisi par Julie Aminte. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, se mettre en marche. Souvent à pied, parfois à cheval, en sidecar ou à vélo, Sylvain Tesson parcourt le monde depuis presque 30 ans. Parcours solitaire la plupart du temps, favorisant le déploiement des ressources intérieures et les rencontres insolites. En témoignent les nombreux récits publiés depuis 1996, dont « L'Axe du Loup », « Bérézina », « Sur les chemins noirs », lesquels invitent le lecteur à suivre pas à pas les pérégrinations de ce globe-trotteur infatigable. Sylvain Tesson s'inscrit donc dans la tradition des écrivains voyageurs, tels que le firent à leur époque Nicolas Bouvier ou Bruce Chatwin. Mais à l'instar de ses célèbres homologues, sa production littéraire ne se réduit pas au seul récit de voyage. Nous y trouvons également des essais et des recueils de nouvelles. C'est cette partie spécifique de son œuvre que nous avons voulu faire entendre, parce que moins connue, plus confidentielle, et pourtant indispensable pour mieux saisir à la fois l'homme et l'écrivain. Ainsi, dans « Petit traité sur l'immensité du monde », édité en 2005, Sylvain Tesson revient sur la forme de nomadisme qu'il pratique, celle d'un vagabond joyeusement opiniâtre, et raconte comment, par ce biais, il expérimente une autre dimension de l'espace et du temps. Une force extérieure m'emporte sur la terre avec la régularité d'un battant d'horloge. Un coup à l'est, un coup à l'ouest, de l'une à l'autre extrémité du continent eurasiatique, c'est là que je situe pour l'instant mon domaine de prédilection, entre le Pacifique et l'Atlantique. J'attends d'être plus vieux pour le Nouveau Monde. Je me laisse faire, sans résister, parce que j'ai détecté dans le voyage aventureux un moyen d'endiguer la course des heures sur la peau de ma vie. Je n'ai pas découvert le secret de l'immortalité, sinon mon corps ne vieillirait pas. Or il change lentement, presque placidement, à la manière des éléphants. J'ai les muscles qui gonflent, le cœur qui ralentit, déjà les dents qui s'usent. Mais je me suis enfin réveillé de ce cauchemar dans lequel le temps s'enfuyait comme s'il avait commis une faute. Grâce à la route, je me suis mis en marche. Grâce à la marche, je me maintiens en mouvement. Et paradoxalement, c'est quand j'avance devant moi que tout s'arrête. Le temps et l'obscure inquiétude de ne pas le maîtriser. Depuis que j'observe les éleveurs de yaks du Tibet, les cavaliers de Mongolie, les bergers afghans ou les sherpas du Khumbu, et depuis que, par période, je m'essaie à les imiter, j'en suis venu à la conclusion que le nomadisme est la meilleure réponse à l'échappée du temps. Mon but n'est pas de le rattraper, mais de parvenir à lui être indifférent. En réglant son compte à l'espace, le nomade freine la course des heures. Peu lui importe que passent les instants, puisque, obstinément, il les remplit des kilomètres qu'il moissonne. Opération d'alchimiste. Il change le sable du sablier en poudre d'escampette. Il brise le cadran de l'horloge et se sert des aiguilles pour piquer sa propre croupe. Le temps n'est pas un cheval dont on peut enrayer l'emballement en lui tirant la bride. Il est donc préférable de le laisser galoper et de se venger de sa course en bouffant soi-même le monde. Au tic-tac de l'horloge, le voyageur répond par le martèlement de sa semelle. Un kilomètre abattu, c'est 10 minutes gagnées. La marche à pied oppose au rouleau du temps la mesure de l'espace. De cette lutte, le voyageur sort vainqueur. Qui aura arpenté le monde à l'aide de sa seule énergie explorera une autre dimension du temps, plus épaisse, plus dense. Le temps de l'Occident est un courant d'air qui passe par la fenêtre de nos vies. il se mue sur le chemin en une pâte généreusement pétrie. Il y a 2 ans, lorsque je cinglais à cheval dans la désolation du désert de Gobi avec la solitude pour compagne, les minutes comptaient pour des heures et les journées des années. Au retour de 6 mois de chevauchée touranienne ou de 8 mois de lutte sur les pistes de Razi, je rentrais avec le sentiment d'avoir vécu une vie entière. En 10 années, après 4 voyages au long cours, j'ai connu 4 existences propres. Il m'en faut encore 5 pour arriver à 9 vies et aspirer au repos. Vieux chat content de son tableau de chasse. Partir pour tuer le temps, donc, mais ne pas partir n'importe comment. Pour échapper à la course déclinante que nos âmes sur la terre mènent contre la montre, rien ne vaut de se déplacer lentement, pas à pas. Baissons l'allure et le temps lui-même, par un étrange effet d'imitation, ralentira son débit. Mes voyages préférés sont ceux au cours desquels je me présente à la nature à armes égales, sans moteur, sans pouvoir aller plus vite que mon énergie ne l'autorise. Je revendique l'expression « by fair means ». Les Anglais l'ont forgée pour désigner cette manière naturelle d'escalader les parois sans le recours aux pitons en usant que de moyens loyaux, les pieds et les mains. Voyager by fair means, c'est aller à cheval, à pied, en canot et même à bicyclette, machine mécanique mais rachetée par l'effort. Question d'élégance, me suis-je souvent dit, les pieds couverts de sangsues, égarés dans les boues d'un marécage. Ce n'est pas par goût de la souffrance que j'use mes semelles, mais parce que la lenteur révèle des choses cachées par la vitesse. On ne déshabille pas un paysage en le traversant derrière la vitre d'un train ou d'une auto. On retiendra au mieux le souvenir d'un fusement, une vapeur d'impression diluée dans l'excès des visions. Le voyageur à pied, lui, peut quitter la route fréquentée pour des sentes mieux traitées par les hommes, c'est-à-dire moins battues. S'il voit une route sabrer une steppe, il prêtera main forte à la steppe. Rien ne lui plaira autant qu'un horizon fuyant avec résolution ses tentatives pour le rejoindre. En Mongolie, ou au Kazakhstan, dans les plaines écrasées sous le ciel, cette course-poursuite avec le fond de l'horizon peut durer des jours entiers. Il n'éprouvera pas de satisfaction supérieure à la contemplation du centimètre parcouru sur la carte au terme de l'étape. Il sera si riche de temps qu'il ne craindra pas l'immensité. La patience finit toujours par triompher des kilomètres. A-t-on déjà vu un nomade pressé ? Les nomades vont à petits pas. Pas un seul horizon qui n'ait capitulé devant leur acharnement. Un jour, sur le plateau tibétain, vers la sainte capitale de Lhasa, je dépassai un homme qui rampait devant moi. Il portait un tablier de cuir et des pantins de bois fixés à ses mains par des lanières en cuir. Un kyste perçait sous la peau de son front à force de toucher le sol à chaque prosternation. « Tu vas où ?»« À Lhasa. »« Tu fais combien de kilomètres par jour ?» 6. Mais tu vas mettre combien de temps ? 8 mois. Pourquoi ne marches-tu pas ? Parce que les dieux me reprocheraient d'avoir succombé à la facilité. Démoralisé, je le quittai. Je me croyais l'un des derniers baladins de l'ancien temps, vagabond céleste. Je venais de rencontrer la preuve vivante qu'il y a toujours plus radical que soi. L'autre raison qui me lie au principe des voyages par moyens loyaux est que l'effort prolongé procure au cerveau sa dose d'opiacés naturels à qui les neurologistes donnent des noms savants et que les marcheurs, au-delà d'une 20aine d'heures de progression intense, sentent inonder leur cerveau. Impression sous le crâne d'une injection létale et bienfaisante. Un peu engourdissante d'abord, puis, soudain, rapicolante comme un coup de knout. Ces sécrétions ne suffisent certes pas à nourrir durablement un corps en marche, mais elles sont la récompense de l'épuisement. Une bonne petite dose de drogue douce, légale, gratuite, bienfaisante, solitaire, silencieuse et par surcroît, autoproduite. Parfois j'ai trahi les principes du fair means. J'ai joué les Judas, enfourché des motos, traversé l'Ukraine, la Poméranie, la Carélie et la Finlande du Sud, l'Ardenne ou les plaines hanséatiques à bord de sidecars russes. Je m'arrêtais le soir dans les forêts pour construire un abri de branches de pin et manger les myrtilles que vendaient les babouchkas sur le bord des chemins. J'ai roulé sur les bords de la Baltique, au milieu des hordes de Hells Angels finlandais, alors que des escadres grises d'oies sauvages, ivres de lumière nordique, escortaient ma moto vers des soleils tardifs. J'ai sillonné le désert du Kizilkoum au guidon d'une moto ouzbek, dont les phares ne fonctionnaient que si l'on maintenait le klaxon en marche. J'ai roulé au Népal sur des machines chinoises. Au Rajasthan, le cul sur une Enfield. Sur les glaces du Baïkal, à bord d'une Oural 16 volts et dans le delta du Mekong, sur la même machine. À chaque fois, le cerveau engourdi par le ronronnement du moteur, les sens anesthésiés par les lignes de fuite, je touchais à l'extase cosmique et m'extasiais de la perfection de la mécanique, cette discipline des sens divines qui préside, avec des lois identiques, au va-et-vient des pistons en même temps qu'aux ellipses des sphères célestes. Aucun mouvement ne peut se passer d'une énergie pulsative. Paradoxe que ce vagabondage motorisé, car le vrai errant libre et fou, se doit de refuser la modernité. Or, le moteur à explosion le renvoie à son siècle. Malgré ces incartades, ma pente naturelle me ramène toujours à l'état de baladin, appréciant seulement les kilomètres quand ils sont gagnés de haute lutte. Les grands voyageurs de l'histoire, au même titre que le menu fretin cavalant sur les routes et que les dévoreurs d'horizons qui fauchent les étapes comme on bûcheronne une futaie, ne cherchent peut-être qu'à éteindre l'incendie en eux. Alexandre, Marco, Gengis et tous leurs descendants, illustres découvreurs ou pèlerins anonymes, sont les pompiers de leurs âmes en fusion. Si je ne ressentais pas le besoin de dissoudre l'énergie de mon corps dans le bain acide de l'action, je me satisferais assez bien d'un arbre. Un de ces phares de feuilles en beauce, ou bien un pipal de l'Himalaya, sous la jupe duquel s'asseoir, les yeux mi-clos, tel le Gautama, le prince des vagabonds. L'extase qui se lit sur le visage du Bouddha n'est peut-être que l'expression de la félicité du marcheur alangui à l'ombre du houppier. La force de l'éveil se situerait dans la jouissance du repos, le bouddhisme ou la sieste faite foi. Natsume Soseki, dans ses odes au vagabondage, décrit l'homme parfait comme un bambou reposant sur les rives de l'impassibilité, profitant du moindre souffle d'air sans être affecté par lui, jouissant du plus petit parfum de fleurs sans en être transformé. Il reçoit toutes les saveurs du monde, mais ne connaît aucune métamorphose. Les événements du monde le traversent sans le faire ployer. Le flux des heures glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du colvert, sans le mouiller. Fidèle à l'image de l'impassibilité, saint Augustin prêchait que le bonheur était de désirer ce que l'on possède déjà. Rien ne vaudrait en somme un chêne sous lequel poser son cul pour l'éternité. Je m'assois quant à moi sur cette pensée mortifère. J'y suis autant étranger qu'au charme de la Jamaïque. Quand je croise un arbre, au lieu de me lever à son pied, j'y grimpe. Et si je l'avais sous la main, je pendrais bien saint Augustin à la plus haute branche. Puis, je jetterais un coup d'œil au paysage. Le sommet d'un arbre est la plus belle une. D'en haut, je découvrirais un repli de campagne qui me donnerait envie d'aller plus loin, car ailleurs, selon Morand, est un mot plus beau que demain. S'asseoir sous un arbre, s'enraciner même, est certes une voie possible. Pour celui qui l'a choisi, c'est la fin de l'histoire, l'accès à la sagesse. On repose parmi les glands autour du tronc et l'on gagne l'apaisement. Encore faut-il trouver l'arbre. Je préfère pour l'heure arpenter la forêt. Dans 10 ou 20 000 verstes, je repenserai à l'idée de prendre un tronc pour dernier dossier. L'ennui avec le vitalisme physique lorsqu'il n'est pas canalisé, c'est qu'il ne laisse pas l'esprit en paix. L'énergie déborde des êtres comme les larmes de résine perlent du tronc du pin. Mais elle ne se stocke pas. Il faut donc la consommer sur le champ, la frapper sur l'enclume de l'action. Le corps ne devrait jamais être traité autrement que comme un homo sovieticus, contraint au rendement. Lui attribuer une tâche dulcifie ses ardeurs. Le marcheur au long cours lui demandera de parvenir au sommet de 2000 mètres de dénivellation. Le tailleur de pierre de venir à bout d'un bloc de pierre sauvage. Le marin de veiller jusqu'à l'aube. Le grimpeur de triompher de 200 mètres de fissure. Le caravanier d'ajouter une journée solitaire à sa moisson d'étape. Une fois missionné, soumis à la douloureuse discipline de l'action, tendu vers l'objectif désigné, le corps laissera l'esprit tranquille et ne le sollicitera plus. Le tout est de lui donner son ordre de route. L'esprit ainsi libéré pourra alors vaquer sereinement dans les terrains qu'il brûlait de parcourir. Le voyage est cette surface qui est offerte à la pensée pour divaguer en toute liberté. Mais alors survient un danger. Un esprit trop dispos est un bagage encombrant. On ne peut le laisser traîner, vide, derrière soi. Au cours de mes longues heures d'avancée à cheval dans les monts célestes juste avant l'an 2000, ou bien à pied, plus récemment, dans le Badakhshan afghan, au cœur d'une garrigue tibétain, ou sur les bords orientaux du Changtang, au sud des monts Kunlun, je me souviens de journées tout entières consacrées à marcher 50 kilomètres en solitude sur un terrain uniforme sans quitter de l'œil une éminence de terrain dressé à l'horizon qui me servait de repère mais qui, le soir, ne s'était même pas rapproché. Dans cette géographie de la désolation, désert, glacis, landes brûlées, plateaux rabotés par les âges et le vent, pédiplaines arasées par la déflation, comme diraient les géographes, ces poètes hermétiques, le voyage s'apparente à la traversée silencieuse d'un plan euclidien qu'aurait négligé de visiter la vie. Quant au parcours le néant stépique, où pas un seul pouce de terrain ne diffère de l'autre, il est vital d'alimenter sa pensée, sous peine de virer à la folie, de devenir fou d'ennui. Peggy, ce pèlerin bizarre qui professait les choses que lui dictaient les rimes, allait devant lui, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Je ne comprends pas cet état d'abandon. L'important n'est-il pas précisément de multiplier les recours intérieurs contre la monotonie? Quand le corps avance, l'esprit a tout le loisir de se pencher sur le parapet des souvenirs, de se livrer à la contemplation, de réfléchir au monde et de rêver peut-être. La marche fait affleurer à la surface de la mémoire les strates de souvenirs rangées dans la boîte en os du crâne, cette caisse d'archives le plus précieux bagage du voyageur. On fouille, on trie, un éclair soudain et l'on se souvient d'un moment drôle presque oublié et l'on éclate de rire. Un passant nous prendrait pour un fou, car il ne saurait pas que rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même, à parcourir les rayonnages de sa bibliothèque intérieure. Quand l'heure n'est pas au souvenir, il suffit de tourner les yeux vers l'extérieur. Dans la plus aride des steppes, les contemplateurs trouveront toujours à s'émerveiller. Leur œil naturaliste décèlera la plus microscopique trace de vie. Leur âme sera capable de transcender les misérables choses. Léonard de Vinci imaginait la montagne en regardant un caillou. Thoreau entendait Dieu dans le chant du grillon. Van Gogh voyait dans la campagne les lignes de force du paysage. Nerval confondait les rues de Paris avec le labyrinthe de son âme. Fulcanelli savait que le nombre d'or régissait la disposition des pétales autour du pistil, autant que la course des sphères. Hugo refusait que le parfum des aubépines fût indifférent aux constellations. Le propre des voyants est de ne jamais se satisfaire de ce dont leurs yeux se contentent. Ils traquent l'universel en fouillant l'anecdotique. C'est le principe de la métonymie appliquée à l'observation. Un observateur doit être capable de glisser du brin d'herbe au cosmos et d'imaginer des planisphères dans les nuages qui passent au-dessus de sa tête. Si un grain de sable suffit à lui contenter l'esprit, son bonheur sera immense d'être jeté dans l'ergue. Mais la capacité d'émerveillement varie injustement selon les êtres. Les prisonniers qui savent se repaître de la beauté du lichen, de l'ingéniosité de l'argiope ou, comme Solzhenitsyn, du chant d'un oiseau sur le rebord d'une lucarne supporteront mieux l'isolement. Lisez dans Chamalov les pages sur l'incarcération. Vous lui saurez gré de ce qu'il y raconte si un jour on vous enferme. Aurait-il survécu à la camisole, le vagabond des étoiles de London, s'il ne s'était pas jeté passionnément dans l'étude des mouches qui se repaissaient de ses larmes? Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir. C'était « Pages arrachées » à Sylvain Tesson. Premier épisode, « Se mettre en marche ». Extrait choisi par Julie Aminte. Avec Elliot Génicot. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Enregistrement, montage et mixage, Benjamin Vignal, Emmanuel Arming. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Michel Sidoroff. Se mettre en marche est extrait du Petit traité sur l'immensité du monde, paru en 2005 aux éditions Équateur.